Ce fut le fait divers de tous les superlatifs. La prise d'otage la plus importante jamais effectuée, mais aussi la plus meurtrière. Le plus grand nombre d'enfants tués au cours d'une telle opération, mais également une pagaille et un manque de coordination rarement observés. Il faudrait encore évoquer les moyens disproportionnés employés par les forces de l'ordre pour réduire une prise d'otage, des chars, des bazookas, des lance-flammes, alors que des centaines d'enfants risquaient de périr au cours de l'assaut. Et enfin, un terrible bilan, 331 civils tués, dont 186 écoliers, et également une grosse dizaine de membres de forces de l'ordre. Vous avez sans doute reconnu la tragédie de Beslan en septembre 2004. Une affaire confuse et qui reste à bien des égards encore très mystérieuse, c'est en tout cas l'avis de M. X. Cependant, avant de l'écouter, je vous propose quelques lignes de la journaliste Yulia Yuzik, auteure d'un ouvrage bouleversant, Requiem pour Beslan. La tragédie de Beslan, c'est quand des millions d'hommes et de femmes adultes ont regardé pendant plusieurs jours sur tous les écrans de télévision du monde mourir des enfants, tuer des enfants, toute une école, et personne n'est devenu fou. Beslan, c'est quand on a appris aux enfants à boire leur urine au lieu de boire de l'eau. Beslan, c'est quand on a appris aux enfants à dormir dans une flaque de sang, tout ce qu'il restait d'un père assassiné. Beslan, c'est quand on a enseigné la haine au lieu de l'amour. Beslan, c'est un degré de plus vers l'enfer. C'est notre monde révélé à des yeux étonnés d'enfants qui ont découvert qui nous sommes en réalité. Pour une fois, permettez-moi d'abord d'exprimer mon indignation. Beslan, c'est bien sûr une immense tragédie, mais que penser de ces magistrats russes qui, au lieu de s'efforcer de faire la lumière sur ce drame, ont choisi de poursuivre en justice les mères de Beslan. Toutes ces femmes en colère qui veulent savoir pourquoi leurs enfants ont péri de façon aussi abominable. Alors quoi, coupable de vouloir la vérité? Et de poser des questions gênantes, car ces mères mettent en cause la version officielle. Pour elles, les coupables du massacre ne sont pas seulement les terroristes, mais aussi les gens au pouvoir. Une affirmation qui leur vaut d'être traînés dans la boue par une presse aux ordres, d'être accusés d'extrémisme et donc aujourd'hui de faire l'objet de poursuites. C'est une raison de plus d'essayer de comprendre ce qui s'est exactement passé à Beslan. En effet. Mais il faut d'abord avoir à l'esprit le contexte, c'est-à-dire essentiellement la guerre de Tchétchénie. Même si en 2004 l'armée rouge semble être en mesure de venir à bout de la résistance des indépendantistes, au moins sur le terrain. Ouais, c'est un commencement de retour au calme. Relatif, oui. Mais après combien d'exactions et de violations des droits de l'homme? En tout cas, le pouvoir russe n'a pas réussi à mettre fin au terrorisme. Et on en a la preuve juste avant la tragédie de Beslan. Vous voulez parler de cette autre énorme prise d'otage dans un théâtre de Moscou, hein? En octobre 2002, ouais. 800 spectateurs avaient alors été retenus par un commando tchétchène d'une vingtaine de personnes. Ouais. Et les forces de l'ordre, enfin, sans grand discernement, disons ça comme ça, avaient utilisé des gaz pour résoudre cette affaire. Et le bilan avait été catastrophique, certes. Les auteurs de la prise d'otages avaient été oxymes, mais avec eux, plus de 100 otages avaient succombé. Et à l'époque, on s'était beaucoup interrogé à la fois sur la méthode utilisée et aussi sur les circonstances dans lesquelles cette prise d'otage avait été préparée et exécutée. Non, je veux parler d'actes terroristes qui ont immédiatement précédé le drame de Beslan et dont, curieusement, on a fait peu de cas à l'étranger. Et pourtant, il y avait de quoi. Racontez, soyez plus précis. Beslan, je vous le rappelle, c'est au tout début de septembre 2004. 10 jours plus tôt, un groupe de combattants tchétchènes surgit au cœur de la capitale, Grozny, et tue une quarantaine de personnes accusées de faire partie des milices pro-russes. Puis ce commando disparaît sans être inquiété, alors même que des soldats russes sont stationnés à proximité. Bizarre, hein? Très bizarre, oui. Mais il faut dire qu'en Tchétchénie, la campagne présidentielle bat son plein. Et c'est un candidat soutenu par le Kremlin qui sera élu. À l'issue d'une élection entachée de nombreuses fraudes. Et alors qu'il existe déjà un président tchétchène qui, lui, a été légitimement élu, mais et qui a dû passer dans la clandestinité en raison de ses sympathies pour la cause indépendantiste. Mais comment il s'appelait? Aslan Maskhadov. Alors, forcément, on peut se demander si ce massacre commis en plein Grozny n'a pas été prémédité par Moscou. Quoi, pour peser sur la consultation électorale? Et ce ne serait pas la première fois que des actes terroristes sont perpétrés juste avant une élection. Rappelez-vous que Poutine, a été élu président de la Russie, après une série de spectaculaires attentats. Quoi qu'il en soit, cette affaire de Grozny ne fait que précéder d'autres actions encore plus graves. Le 24 août, deux avions de ligne s'écrasent après avoir décollé du même aéroport de Moscou. Au total, il y aura 90 morts. Et il s'agissait d'attentats. Absolument. Les autorités russes, après avoir nié dans un premier temps, finiront par accuser deux passagères des Tchétchènes d'avoir exécuté ce double attentat suicide. Et ce n'est pas fini. Une semaine plus tard, le 31 août, un nouvel attentat suicide provoque une dizaine de morts dans le métro de Moscou. Ouais. Et le lendemain, ce sera Beslan. Oui. Ouais. Mais est-ce que ces actions terroristes font l'objet de revendications ? Depuis le Pakistan, une mystérieuse organisation islamiste, les Brigades Islamboulli, affirme être à l'origine de ces attentats destinés à soutenir la cause des musulmans tchétchènes. Bah, attendez, des revendications crédibles ? Bah, elles posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses, mais c'est bien souvent le cas, il faut le reconnaître. Autre chose, très importante, avant d'en venir directement à Beslan, le contexte régional. Beslan, vous ne l'ignorez pas, se situe en Ossétie. Oui, en Ossétie du Nord, plus précisément. Oui, car il existe aussi une Ossétie du Sud, qui fait officiellement partie de la Géorgie. Alors que l'Ossétie du Nord est partie intégrante de la Fédération de Russie. Hein. Alors, un mot sur la situation dans cette région. Le Caucase a toujours été une incroyable mosaïque d'ethnies et de religions. Et ce n'est pas un hasard si les géographes arabes l'appelaient la « montagne des langues ». Pour simplifier, disons qu'il existe deux Caucases, de part et d'autre de la chaîne montagneuse, qui est la colonne vertébrale de la région. L'un, au sud, la Transcaucasie, comprend la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'autre, au nord, qu'on appelle aussi Circaucasie, appartient depuis longtemps à la Russie. Ouais, pour Moscou, cette appartenance était essentielle. Hein. C'était en effet la porte de l'Asie et aussi l'accès aux mers chaudes, comme on disait à l'époque tsariste. Ouais, à la mer Noire et à la Méditerranée. C'est ça. Ouais. Mais cette Caucasie du Nord, russifiée, ne forme pas un bloc homogène. Toujours pour simplifier, il existe deux sous-régions. Ouh là là. À l'ouest, une république paisible, celle des Karadjai-Tcherkès, et à l'est, dans une zone beaucoup plus montagneuse et généralement islamisée, quatre autres entités, l'Ossétie du Nord, l'Ingouchie, la Tchétchénie et le Daghestan. Autant de territoires qui ont connu des destins très divers, tantôt autonomes, tantôt républiques de la Fédération russe. Mais bon, je n'entre pas dans les détails, ça serait beaucoup trop compliqué. Oui, c'est déjà pas mal. Hein. Enfin, je peux simplement vous dire que cette histoire en morceaux a laissé de nombreuses plaies. Lesquelles ? Mettons provisoirement de côté la question tchétchène, dont nous avons souvent parlé et qui est directement liée au drame de Beslan. Il y a d'abord les déchirements des Ossètes. C'est-à-dire l'existence à des deux Ossétis. Les Ossètes, autrefois unifiés, sont les descendants d'une ancienne population de l'Antiquité, les Alains. Dès le XVIIIe siècle, ces gens, installés de part et d'autre de la montagne, subissent la conquête tsariste. Et leur capitale, Vladikaukase, est d'abord un poste militaire russe. Mais c'est la fin de l'URSS qui leur est fatale. La Géorgie, devenue indépendante, s'empare de l'Ossétie du Sud, ce qui ne va pas sans poser des difficultés. Ouais, parce que les Ossètes n'acceptent pas cette allégeance. Et revendiquent pour la plupart leur réunion avec leurs cousins du Nord. D'ailleurs, certains de ces Ossètes ont rejoint le Nord, tandis que les autres, ceux qui sont restés, sont pratiquement en état de sécession. D'autant qu'ils ont subi une féroce répression de la part des forces géorgiennes qui voulaient mater ces irrédentistes Ossètes. Bien sûr, ce conflit est exacerbé par Moscou, qui ne cesse de mener une lutte souterraine contre la Géorgie. L'Ossétie du Nord appartient donc à la Fédération de Russie. Dont elle est l'une des républiques. Mmh. Mais elle connaît aussi ses propres problèmes qui tiennent essentiellement dans ses relations avec sa voisine Ingouche. Et là encore, il s'agit d'un douloureux héritage de l'histoire. Ouais, expliquez-moi brièvement. Hein. Bon, en 1944, Staline accuse les Ingouches de collaboration avec les nazis. Il en ira de même pour les Tchétchènes. C'est juste. Mmh. Le maître du Kremlin décide alors une déportation massive des populations vers l'Asie centrale. L'Ossétie du Nord en profite alors, avec l'accord de Staline, pour s'emparer d'une région mitoyenne peuplée d'Ingouches, le Prigorodny. Une zone donc désertée par force. Oui, bien sûr. Mais en 1957, Khrouchtchev autorise les Ingouches à revenir chez eux. Ah oui, alors, ce qui va provoquer des tensions avec les Ossètes qui ont occupé ce Prigorodny. Naturellement. Mmh. Mais tant que l'URSS existe encore, ce conflit n'éclate pas au grand jour. Mais il n'en va pas de même lorsque l'Empire éclate. Et la question dégénère. Une vraie guerre territoriale oppose les deux pays. On compte des centaines de morts et encore plus de réfugiés qui fuient le Prigorodny vers l'Ingouchi. Et lorsque la paix imposée par Moscou est enfin conclue, elle ne règle rien. Les deux voisins vivent dans un état d'hostilité permanent. C'est essentiel, car les uns et les autres sont prompts à s'accuser dès que des troubles éclatent chez eux. Et ça va être le cas lors de l'affaire de Beslan, hein ? Bah forcément, car les preneurs d'otages en provenance de Tchétchénie sont obligatoirement passés par l'Ingouchi, malgré le fait que la frontière entre ces deux républiques ennemies est très surveillée. J'ai lu ceci sur un site internet. Le feu couvait depuis le dégel de la perestroïka. En 1991, l'affirmation indépendantiste tchétchène, sous la houlette de Djokhar Doudaïev, se heurte au refus des Ingouches de quitter la Fédération de Russie. Bien que frères d'ethnie des Tchétchènes, les Ingouches sont plus russophiles que les premiers et ont quelques griefs à leur égard. Contrainte à la séparation, la République d'Ingouchie n'en oublie pas moins les torts subis en 1944 et non réparés à ce jour. Les banlieues est de Vladikavkaz et le district de Prigorny sont toujours ossètes. Avec l'arrivée de réfugiés fuyant les combats de cette île du Sud, ils le deviennent plus encore. La tension monte entre les deux peuples. Chaque camp s'arme et la déflagration advient à l'automne 1992. Les Ingouches attaquent, mais appuyés par les Russes qui les préfèrent, les ossètes prennent le dessus. S'ensuit un nettoyage ethnique du district contesté. Plusieurs dizaines de milliers d'Ingouches sont chassés manu militari, leurs villages et maisons incendiés. On compte un millier de morts, la plupart Ingouches. En janvier 1993, un accord est signé entre les deux républiques. Un calme relatif revient, supervisé par l'armée russe. Le contentieux court toujours. Quelques réfugiés Ingouches ont réintégré leur foyer, mais le problème est loin d'être réglé. Depuis ces terribles et sanglantes années, l'Ossétie Alanie subit tous les contre-coups politiques, économiques, sociaux et culturels de l'état de guerre permanent dans le Caucase. Alors, après cette longue mais indispensable parenthèse, penchons-nous enfin sur les dramatiques événements de Beslan. Le 1er septembre, traditionnellement, c'est jour de fête dans toutes les écoles de Russie. Oui, parce que c'est la rentrée scolaire. Oui, les écoles sont fleuries et les parents et même d'autres membres de la famille accompagnent les enfants et écoutent avec eux les discours du corps enseignant. Ah, il y a donc beaucoup de monde dans les établissements scolaires. Ben, c'est là où je voulais en venir. Et la cour de l'école numéro 1 de Beslan est noire de monde. En fait, Beslan est une ville de quelle importance ? Oh, sa population est de 40 000 habitants. Une cité moyenne poussée autour d'une distillerie de vodka et qui semble par bien des côtés demeurer à l'époque stalinienne. D'ailleurs, le petit père des peuples y a toujours sa statue. Ah oui, mais on n'est pas loin de la Géorgie. Et la mère de Staline était d'origine ossète. On y trouve aussi un mirifique palais de la culture. Bref, une petite ville tranquille où il fait plutôt bon vivre. Et c'est donc à 9h30 du matin qu'une trentaine d'hommes armés et cagoulés descendent de deux véhicules et font irruption parmi les élèves et les parents rassemblés pour la fête de rentrée de l'école numéro 1. Ce qui suit est forcément un peu confus. Mais d'autant que ça doit être la panique. En effet, aussitôt descendus, ces intrus armés ouvrent le feu et tirent en l'air. Plus de 1000 personnes, enfants et adultes, se trouvent alors pris au piège. Il semble que des policiers, sans doute prévenus par des témoins, soient arrivés assez rapidement. Mais les assaillants ouvrent le feu. L'un d'eux tombe, mais plusieurs policiers sont tués, tandis qu'une cinquantaine d'enfants en profitent pour s'enfuir et qu'une trentaine d'autres se réfugient dans la chaufferie. Et les autres ? Tous les otages sont poussés vers le gymnase de l'établissement. Mais on entend encore des coups de feu. Quelques adultes auraient alors été abattus par les membres du commando. Ouais, je remarque que vous lisez le conditionnel. Hein. Parce que dans cette affaire, on n'est sûr de rien. Enfin, je continue. Dès que les parents et les enfants sont regroupés dans le gymnase, les assaillants commencent à piéger le bâtiment à l'aide d'explosifs reliés par des fils et commandés par un détonateur central. Une sorte de pédale au-dessus de laquelle l'un des terroristes tiendra son pied en permanence. Ouais. Première question, alors. Les otages sont plus de 1000, hein, c'est ça. Alors, dans ce gymnase, ils doivent être serrés les uns contre les autres, non ? Ils vont vivre, effectivement, ou plutôt survivre dans des conditions très difficiles. Une observation à propos de ce chiffre. il y aura très longtemps une incertitude à propos du nombre réel des otages. Les autorités russes prétendront qu'ils ne sont, si j'ose dire, que 300 et quelques, alors que pour la population de Beslan, il n'y a aucun doute. Ce sont bien plus de 1000 personnes qui sont retenues à l'intérieur de l'école. Alors pourquoi ce mensonge? Quel intérêt les autorités russes avaient-elles à minorer le nombre d'otages? Je ne sais pas exactement. Diminuer l'impact de l'événement ou rendre plus acceptable l'hypothèse d'un assaut. Parce que déjà, on pense à une solution militaire pour régler l'affaire. C'est probable, oui. Je prends note. Alors, deuxième question capitale. Qui sont les terroristes et que veulent-ils? On en a une idée précise vers 11h du matin. C'est-à-dire un peu moins de 2 heures après la prise d'otage. C'est ça. Une femme sort du gymnase, une otage. Elle est porteuse d'une lettre destinée aux autorités de Beslan. Un texte menaçant. Si l'un de nous est tué, 50 otages seront exécutés. S'il est blessé, ils seront 20. Et si l'assaut est donné, tout le monde sautera. Et cette femme confirme, ce n'est pas une menace à la légère, le gymnase est piégé. D'accord, mais que veulent les membres du commando? Leurs revendications sont de deux ordres. D'abord, ils réclament la libération de 27 hommes arrêtés en Ingouchie après l'attaque meurtrière d'un dépôt d'armes. Ensuite et surtout, ils exigent le retrait des forces russes de Tchétchénie. Ouais. Donc on sait que le commando est formé de Tchétchènes. Au moins en partie. Cependant, ouais. On reviendra sur cet aspect car il a été très controversé et il a fait l'objet d'une vraie manœuvre de désinformation. Enfin, n'allons pas trop vite. Bien sûr. Ce qui est intéressant et même très significatif, c'est que le pouvoir interdit aux médias de faire état des revendications des preneurs d'otages. Ouais, la chape de plomb. Oui, ce sera la règle pendant tout le temps que durera la prise d'otages. Les autorités russes entendent régler l'affaire dans le plus grand secret, quitte à employer les grands moyens. Mais je vous en apporterai la preuve un peu plus tard. Malgré tout, certaines informations filtrent, celle-ci en particulier. La lettre transmise par cette femme otage porte la signature de Chamil Basayev. Basayev qui fait suivre sa signature de l'intitulé « Serviteur d'Allah ». Basayev, c'est un chef de guerre tchétchène. Et sans doute le plus redoutable. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de ce personnage controversé. Oui, en particulier à propos de cette incursion au Daghestan qui a été l'un des événements déclencheurs de la deuxième guerre de Tchétchénie. Oui, une action très curieuse et pour tout dire suspecte, car elle a pu s'opérer sans que l'armée russe n'intervienne. Et m'avez-vous dit, elle avait été précédée par une rencontre secrète entre Basayev et l'oligarque aujourd'hui déchu Boris Berezovsky. Et le chef tchétchène avait ensuite reçu une livraison d'armes neuves qui semblait directement sortir des arsenaux russes. Bon, inutile de revenir là-dessus. Ce que je veux simplement dire, c'est que Basayev était loin d'être un personnage fiable. Il reste néanmoins que le pouvoir russe en avait fait une sorte d'épouvantail qui se trouvait derrière tous les mauvais coups perpétrés par les Tchétchènes. Un épouvantail bien utile, une sorte de Ben Laden tchétchène. Oui, parce que sa seule existence pouvait légitimer la politique du Kremlin et sa lutte contre les indépendantistes tchétchènes. Ces voyous que Poutine voulait traquer jusqu'au fond des chiottes, selon cette délicate expression qu'il a utilisée. Oui, je ne pouvais pas dire, en effet. J'ajoute qu'on a sans doute beaucoup trop prêté à cet homme devenu unijambiste après une blessure reçue pendant le siège de Grozny en 2000. Un homme diminué, donc, dont la tête était mise à prix 300 millions de roubles, mais qui échappait toujours mystérieusement aux forces de l'ordre chargées de le traquer. Il a quand même fini par être rattrapé, hein. En 2006, oui. Il a été abattu au cours d'une opération menée par l'armée russe en Ingouchie. Et à mon avis, il aurait été étonnant qu'il soit pris vivant. Parce qu'il aurait eu beaucoup à raconter. Oui, c'est ce que je pense. Quoi qu'il en soit, à l'époque de Beslan, Basayev est donc considéré comme l'ennemi public numéro un. Converti à l'islamisme le plus radical, il serait même, selon le pouvoir russe, le dirigeant d'Al-Qaïda pour le Caucase. Une assertion un peu facile, non? C'est certain. Toutefois, il ne faut pas nier pour autant qu'il existait des relations entre la résistance tchétchène et des représentants du wahhabisme. L'islamiste le plus intégriste. Absolument. Mais enfin, ça, ce n'est pas étonnant. La répression russe poussait presque naturellement les patriotes tchétchènes dans les bras de ces islamistes. Même s'il ne faut pas exagérer leur influence en Tchétchénie. Alors, si vous voulez bien, reprenons là où je me suis arrêté. La prise d'otage est donc revendiquée par Basayev. Mais lui-même, où se trouve-t-il? Pas dans l'école, en tout cas. S'il a réellement initié l'opération, il ne joue plus aucun rôle dans ce qui va suivre. Autre chose. Il apparaît évident que la prise d'otage a été soigneusement préparée et que les terroristes on profitait des vacances d'été pour cacher armes et explosifs à l'intérieur même de l'école. Ce qui signifie à coup sûr que le commando a bénéficié de complicité. À quel niveau, là ? Ben ça, je ne peux pas le dire. Il faut simplement observer que, depuis le conflit avec l'Ingouchie, l'Ossétie est une république quadrillée par les forces de sécurité. Et donc difficile de s'y promener avec des armes et des explosifs. Quant à la frontière avec l'Ingouchie, elle est, je crois vous l'avoir dit, difficilement franchissable. Alors, encore une fois, il faut s'étonner. Si les terroristes ont eu des complices, ont-ils payé ces derniers ? Ou bien quelqu'un ou quelques-uns ont-ils sciemment fermé les yeux ? Avant de poursuivre, quelques informations sur ce Chamil Bassaïev, qui est à l'origine de la prise d'otage de Beslan. Je les emprunte au livre de Florence Schall, « Jamais je n'oublierai Beslan ». Sa carrière de combattant sans loi a commencé avec les Russes. Son premier engagement politique a eu lieu aux côtés de Boris Eltsine en août 1991, pendant le putsch manqué des généraux. Alors, les services secrets militaires russes l'ont enrôlé, et appris les techniques guerrières, les embuscades, la fabrication des bombes, d'abord contre les Géorgiens en Abkhazie. On le trouve aussi dans le Haut-Karabakh avec les Azéris, ainsi qu'en Turquie pour un détournement d'avion fin 1991. Entre 1992 et 1994, il suit des entraînements dans les camps des Moudjahidines afghans, puis c'est le retour à Grozny pendant la première guerre de Tchétchénie, la prise d'otage à l'hôpital de Budienovsk en 1995 et sa participation décisive à la reconquête de Grozny en 1996. Là, il devient le héros national de la Tchétchénie. Auréolé de sa victoire, Chamil Bassaïev se lance dans la politique, mais est battu à l'élection présidentielle de Tchétchénie par Aslan Maskhadov, qui finalement le nommera Premier ministre. Mais l'attelage entre Maskhadov le modéré, soucieux des valeurs démocratiques, et Bassaïev, le radical extrémiste, ne pouvait pas durer et se brise après quelques mois. La suite n'est plus que dérapage et violence provocatrice. En 1999, le raid armé de Bassaïev pour soutenir une rébellion islamiste au Daghestan, république frontière de la Tchétchénie, devient pour la Russie prétexte à déclencher la deuxième guerre de Tchétchénie. D'abord, formé par les Russes, Chamil Bassaïev aurait-il été en cette occasion encore manipulé par ceux-ci ? Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que contrairement à ce qui s'était passé lors de la catastrophe du sous-marin Kursk, Vladimir Poutine n'a guère tardé à réagir. Dès le début de l'après-midi, il annonce qu'il interrompt ses vacances et déclare que tout sera mis en œuvre pour sauvegarder la vie des otages. Prend donc personnellement les choses en main. Et en même temps, les terroristes réclament la médiation de 4 personnalités politiques, dont les présidents Osset et Ingush. Mais cette médiation ne sera pas suivie d'effet. Seul un homme, l'ancien président Ingush, Ruslan Oshev, aura au deuxième jour le courage de pénétrer dans l'école et donc de discuter avec les hommes du commando. Il en ressortira avec une deuxième lettre adressée à Poutine. Et son contenu, hein ? Les terroristes demandent toujours l'évacuation de la Tchétchénie par les forces russes, mais une nouveauté, ils affirment vouloir demeurer au sein de la Fédération. Alors, ils ne demandent donc plus l'indépendance ? J'ajoute que Oshev sera par la suite accusé par le FSB. Ça, c'est le service qui a succédé au KGB. Hein, oui, donc il sera accusé d'avoir partilié avec les preneurs d'otages, puisqu'il a pu ressortir sain et sauf de l'école. Ouais. Est-ce que ça veut dire, ça, cette accusation, que le pouvoir a adopté une ligne dure et que la décision d'intervenir par la force a déjà été prise? Non, ça, j'en suis persuadé, même si la préparation de l'assaut s'opère dans la plus grande confusion. Et d'abord parce que plusieurs forces spéciales sont mobilisées et que ne semblent guère être coordonnées. En tout cas, grâce à l'intervention d'Oshev, 26 mères et leurs enfants sont libérés. Ah, ça signe plutôt encourageant, ça. Et qui montre qu'une véritable négociation est possible. Ouais, mais le Kremlin n'en veut pas. Comme il ne veut pas que des témoins gênants soient présents sur place. Vous savez ce qui est arrivé à la journaliste spécialiste de la question tchétchène? Oui, Anna Politkovskaya. Hein. Oui, elle est empoisonnée dans l'avion qui doit la conduire en Ossétie du Nord. Deux autres journalistes bien connus sont eux aussi empêchés de se rendre à Beslan. Quant à leurs confrères qui ont quand même réussi à arriver sur place, ils sont tenus à l'écart et les seules informations qu'on leur donne sont mensongères. On prétend par exemple qu'au moins une dizaine d'Arabes liés à Al-Qaïda figurent parmi les membres du commando. Ce qu'il faut. Totalement. Mmh. Lorsqu'on recensera les cadavres des terroristes après l'assaut, on ne trouvera que 2 Algériens. Autre mensonge. Très vite, le président élu tchétchène, Makhadov, est accusé d'avoir commandité l'opération aux côtés de Bassaïev. Il est donc clair que la priorité est de noircir les terroristes. Et les indépendantistes tchétchènes. Au troisième jour, la situation devient intenable à l'intérieur du gymnase, d'autant qu'il fait très chaud. La faim, la soif torturent les otages, à commencer par les plus vulnérables. Ouais, les enfants. Bah, bien sûr. Ouais. On n'aura pas livré de vivres. Non. Et c'est à peine si les terroristes ont obtenu au matin de ce troisième jour que des équipes médicales viennent récupérer les cadavres des gens qui ont été tués tout au début de la prise d'otage. En même temps, et malgré la confusion qui règne au sein des forces de l'ordre, il est évident que l'assaut se prépare. Des chars ont pris position autour de l'école et les forces d'élite présentes sur les lieux sont lourdement armées. Fusils d'assaut, lance-roquettes et même des engins lance-flammes. Pourtant, les responsables doivent savoir que l'utilisation de ces armes dans un endroit clos, où sont barqués des centaines d'otages dont un bon tiers d'enfants, aboutira forcément à un massacre. Bah, vous avez raison. Aussi même si je ne mésestime pas l'énormité de ce propos, il faut bien se demander si les autorités russes n'ont pas à dessein choisi le pire. C'est-à-dire, de provoquer le plus grand nombre de victimes. Toujours dans le but d'accabler les terroristes et leurs commanditaires présumés. Je ne suis pas malheureusement le premier à me poser la question, mais enfin passons, au moins provisoirement. Ce troisième jour, vers 13h, un camion civil commence à s'approcher de l'école. À l'intérieur se trouvent des hommes du FSB et des secouristes. Pendant un court instant, rien ne se passe. Et soudain, les preneurs d'otages ouvrent le feu. En direction du camion ? Oui, et presque simultanément, on entend deux grosses explosions. À l'intérieur de l'école, hein ? Oui, ouais. Mais on ne sait pas ce qui les a provoquées. Une remarque, cependant. Si c'était agi des charges d'explosifs disposées par le commando, il est vraisemblable que le gymnase tout entier aurait sauté. Or, ça n'est pas le cas. D'ailleurs, quelques dizaines d'otages profitent des échanges de coups de feu pour fuir. Mais comme maintenant la bataille fait rage entre les terroristes et les membres des forces spéciales, ils tombent sous ces tirs croisés. Victimes des preneurs d'otages. Ou des assaillants, allez savoir. En tout cas, d'autres otages, surtout des enfants, nus, couverts de sang, sortent à leur tour. Rien n'est prévu pour leur porter secours et ce sont souvent des habitants de Beslan qui les prennent dans leurs bras pour les éloigner. La suite est indescriptible. Des hélicoptères tournoient au-dessus de l'école, des tanks tirent au canon, des explosions retentissent, des tireurs d'élite canardent les bâtiments. Et soudain, vers 14h, le toit du gymnase s'écroule et de grandes flammes surgissent presque aussitôt et l'édifice tout entier s'effondre. Et au-dessous, les otages sont prisonniers de ce brusque incendie. Et c'est ainsi que périront de très nombreux otages, au moins 150 carbonisés. Vers 16h, les autorités russes affirment avoir la situation en main, mais on entendra encore des coups de feu jusque dans la soirée. Ouais, et le bilan est terrible, hein ? 331 civils, 11 membres des forces spéciales et 31 sur 32 des preneurs d'otages ont succombé. L'un d'eux a donc échappé au carnage. Oui, oui, il a réussi à s'échapper, mais il ne tarde pas à être attrapé et arrêté. C'est un Tchétchène qui aurait été un ancien garde du corps de Bassaïev et qui sera jugé plus tard. Alors maintenant, il faut expliquer exactement ce qui s'est passé. Pour les autorités russes, les morts sont tous imputables aux terroristes tchétchènes. Bah voyons, ouais. Et l'effondrement du toit est dû à l'explosion d'une mine placée par les preneurs d'otages. C'est en tout cas la conclusion d'une enquête parlementaire diligentée par Poutine. Poutine qui a, par ailleurs, refusé la constitution d'une enquête publique. Seul bémol apporté par les députés de la Douma. Au plan local, les autorités n'ont pas respecté les consignes données par le ministère de l'Intérieur. Ah oui, je vois, ce sont les subalternes qui sont responsables de la désorganisation. De la même façon, cette commission aux ordres a réfuté toute implication des organes officiels dans la préparation de l'opération. Ces complicités là que vous évoquiez. Et même ce bruit qui courait depuis un certain temps, les Tchétchènes allaient commettre un grand coup. Non, pour Moscou, tout ça n'était que foutaise. J'ajoute également, mais ça ne vous étonnera pas, que l'enquête a été faite en dépit du bon sens. Il n'est pas moi qui souligne ce point, mais la Cour européenne des droits de l'homme qui a accusé la justice russe. Et sur le point le plus controversé, c'est-à-dire l'effondrement du toit du gymnase, quel est votre avis, hein ? Je ne vous donne pas seulement mon avis, mais celui d'un député russe, par ailleurs physicien et spécialiste en balistique et en explosifs. Cet homme, qui a d'abord participé à la commission parlementaire avant d'en être exclu, a fait un travail d'enquête minutieux, un rapport de 700 pages. Il en a conclu que les premières explosions entendues aux alentours de 13 heures avait été causé par une roquette de forte puissance et un engin incendiaire qui aurait été tiré à 200 mètres par des hommes juchés sur les toits environnants. Donc par les forces russes. Et c'est cet engin incendiaire qui aurait provoqué l'incendie qui a fini par avoir raison du toit du gymnase. Et ce rapport-là a eu des effets ? Aucun. Moscou n'en a pas tenu compte et a nié l'utilisation d'engins incendiaires. Ensuite, eh bien, il est difficile de ne pas remarquer que cette tragédie a permis au président Poutine de raffermir et centraliser encore plus son pouvoir. La Douma a docilement voté un texte sur la sécurité nationale et la lutte antiterroriste, ce qui a permis d'accroître les mesures de répression et aussi de permettre à Poutine de nommer les gouverneurs régionaux qui étaient autrefois élus au suffrage universel. Et tout cela grâce à Beslan, si j'ai bien compris. Exactement. Un dernier mot, mais il est très important. On aurait aussi observé à Beslan la présence d'étranges combattants. Qui ? Des ossètes du Sud, des miliciens d'une unité qui s'était battue contre les Géorgiens, dirigée par un homme redouté, un certain Bastaïev. Selon certaines informations concordantes et assez troublantes, ce sont eux qui auraient tiré les premiers et donc déclenché l'embrasement général. Un autre homme les accompagnait, l'actuel président de l'Ossétie du Nord. Beslan n'a donc pas nuit à tout le monde. Je vous rappelle les titres des deux ouvrages consacrés à cette tragédie, « Requiem pour Beslan » de Yulia Yuzik et « Jamais je n'oublierai Beslan » de Florence Schall, ma consoeur de TF1, des livres dont vous retrouverez les références sur franceinter.com, un site sur lequel vous trouverez aussi les coordonnées d'une indispensable ONG, l'AMAD, dont la vocation est justement de venir en aide aux enfants du monde entier et qui, fait remarquable, refuse de tomber dans le piège de ces fausses lettres de mendicité qui ne servent qu'à remplir les poches des publicitaires concepteurs de ces mailings aux accents trop souvent indécents. Et puis, je vous rappelle aussi que vient de paraître un nouveau livre à partir des rendez-vous de M. X. Il s'appelle « Des espions russes de Staline à Poutine ».